Intéressant, on parlait du corps de Christ ce matin de l'autre côté, puis ça me faisait penser, on est tous membres de la même famille, mais quand on va dans une autre assemblée, là, c'est vrai que c'est des frères et des sœurs dans le Seigneur, mais ils n'ont pas nécessairement le même vocabulaire, ils n'ont pas nécessairement la même culture d'Église, ils n'ont pas nécessairement la même maturité, puis je le dis dans les deux sens, là, plus mature, moins mature, et dans chaque assemblée, il y a du plus mature, moins mature, comme dans chaque famille. Puis, ça demeure qu'on est des enfants de Dieu. Donc, à Saint-Jean, c'est pas la même approche qu'ici. À Chambly, c'est une autre approche. Puis, bientôt, je vais aller à Saint-Georges. Puis, à Saint-Georges-de-Beauce, c'est une autre approche. J'ai déjà été dans le passé. Ça a changé un peu, mais pas tant que ça. Fait que, à chaque fois qu'on va quelque part, notre seul point de référence, c'est la parole de Dieu. Fait que, c'est fondamental. C'est l'instrument qu'on a. C'est intéressant parce que là, on va regarder l'épître à Titre. C'est une lettre personnelle que Paul envoie à Titre. Et c'est comme les deux lettres qu'il a envoyées à Timothée et celle qu'il envoie à Philémon. C'est des lettres personnelles. Fait que, donc, ça nous intéresse-tu? Ça ne nous intéresse pas si c'est envoyé à eux autres? Mais c'est parce que ça concerne l'Église. Ça concerne le caractère. Ça concerne l'attitude. Alors là, on va regarder la lettre envoyée à Titre, de Dieu, par la main de Paul, à Titre, pour l'Église du moment et pour nous. D'accord? Mais juste avant qu'on le lise, vous voyez les versets à l'écran, je vais les lire quand même, là, mais le terme derrière Paul, son ministère, puis les lettres qu'il envoie à gauche et à droite, c'est la même chose qui est... Il y en avait déjà... Non? Il n'était plus là. Ah! Ouais, puis c'est le temps des maringouins, ça fait qu'il ne faut pas garder l'eau stagnante trop longtemps. Excusez. Bon. Ce qui anime Paul... Ce qu'il partage, ce qu'il fait, OK, c'est la même motivation que pour Jésus, OK? Psaume 69 et psaume 119 sont des psaumes de David, et David va exprimer dans les psaumes, en fait, ce que Christ exprime, ce qu'il vit lui-même, puis ce qu'on est exhorté dans le Nouveau Testament à vivre. « Car le zèle de ta maison me dévore. » Alors, c'est une question pour vous-même, mais je ne veux pas la réponse, là, c'est à vous. « Est-ce que le zèle de la maison de Dieu vous dévore? » Puis la maison de Dieu, là, à l'époque, c'était le temple. Aujourd'hui, ce n'est pas le temple. C'est le temple, mais ce n'est pas le même temple. C'est un temple de pierre. Mais c'est vrai que c'était un temple de pierre à l'époque, mais les pierres, autrefois, c'était des pierres qu'on ramassait, qu'on coupait. Mais aujourd'hui, les pierres, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Ajouter les unes par-dessus les autres. Et nous formons la maison de Dieu. OK? Alors, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Alors, quand quelqu'un t'insulte, ça m'offense. Quand quelqu'un insulte quelqu'un de ma famille, ça m'offense. Si ça ne vous offense pas que quelqu'un insulte quelqu'un de votre famille, vous avez un problème. Est-ce que ça va tout le monde? Psaume 109, 9 et 10 et psaume 119, 139. Disent à peu près la même chose, mais je vais le lire encore. « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Dans le psaume 119, « Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ils vivent autrement, ils s'en foutent. Est-ce que vous, ça vous dérange qu'on insulte l'Éternel, qu'on insulte les enfants de Dieu? Est-ce que ça vous dérange qu'on mette de côté, qu'on banalise, en fait, qu'on ridiculise la parole de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes modernes qui utilisent des passages bibliques pour les ridiculiser. Il y a des gens qui font des enseignements pour ridiculiser, pour détruire ce que la parole dit. Est-ce que ça vous dérange ou ça vous laisse indifférent? C'est la question. Mais ici, dans l'Épître à Titre, là, on va regarder qu'est-ce que Paul dit à Titre par rapport à l'Église. Mais en même temps, vu qu'on l'a déjà fait dans Timothée, je vais me concentrer plus sur Titre lui-même. Bien qu'on va regarder le texte, on va regarder le titre. OK, ça va? Et mon exhortation ce matin, c'est de que vous soyez zélés pour Christ et sa maison. Nous sommes sa maison. OK? Alors, voyez-le, comme posez-vous la question sur ce qu'on vient de dire. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu vous dévore? Est-ce que vous êtes zélés pour Christ et pour sa maison? et nous sommes sa maison. Alors, on va lire Tite. On pourrait quasiment lire les trois chapitres, là, parce que c'est pas vraiment long, mais je vais me restreindre au mien. Okay? Donc, Tite 1. OK. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Il y a beaucoup de... Elle n'est pas longue, la lettre, hein? Trois petits chapitres. Moi, je fais le chapitre 1, là, puis je pourrais passer trois dimanches dessus, mais j'en ai un. Fait que, on va faire ça. On va la regarder comme ça. Je vais me concentrer sur trois affaires. L'objectif de la lettre, l'importance du modèle à suivre, puis l'application pour le croyant. Ça va? Donc, juste pour qu'on comprenne dans quel contexte on est, mais mon focus est sur la personne de Tite. Comme exemple à suivre. OK? Alors, premièrement, à quelle date a été écrite? On ne sait pas. La lettre a été envoyée entre 1 Timothée puis 2 Timothée, quelque part entre la première fois que Paul est en prison puis la deuxième fois que Paul est en prison. On n'a aucune notion de quand est-ce que Paul est allé à Crète. Mais c'est quelque part, il a laissé Tite là-bas, à Crète, à un moment donné. OK? Puis là, il lui écrit une lettre. Il écrit la lettre entre les deux emprisonnements. Il écrit la lettre après avoir exhorté Timothée déjà, une fois, puis il va exhorter Timothée une autre fois plus tard. Alors, la lettre est divisée en adresse et salutation, ce qui est la première partie, là, de 1 à 4. Organiser l'Église selon les instructions de Paul, là, c'est pas mal le chapitre 2 et une partie de 3. Puis après ça, recommandations et salutations à Tite. Parce que peut-être qu'on va se revoir, puis peut-être qu'on ne se reverra pas. Hein? Fait que si on ne se revoit pas, tu sais quand même ce que tu as à faire. Ça va? Alors moi, je me concentre sur 1 et 2, là, ce qui est en jaune, c'est-à-dire l'adresse et salutations, organiser l'Église selon les instructions de Paul en ce qui concerne nommer des anciens, puis lutter contre ceux qui enseignent de fausses doctrines. Bien, ça ressemble à ce qu'on a vu déjà là, dans les deux lettres à Timothée, puis ça ressemble à ce qu'on peut relire dans Galates, puis un peu partout. Là. Ça va? OK. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de le lire, là. Mais ce qu'on sait, c'est que Tite vient probablement d'Antioche. C'est que Tite, il vient probablement d'Antioche. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans Galates, Paul raconte aux Galatiens son histoire. Et là, il va dire quand est-ce qu'il est venu au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé. Bref. Puis là, il va arriver à dire au chapitre 2, 14 ans après qu'il ait parlé avec Pierre à Jérusalem, 14 ans après, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le livre des Actes, chapitre 15, quand les judaïsants vont venir à Antioche, puis essayer de convaincre les croyants de se faire circoncire, etc. Là, Paul, à un moment donné, va dire, OK, c'est beau, on va aller régler la chose, parce qu'ils viennent de Jérusalem, ces Juifs-là qui viennent essayer de contredire la parole. Fait qu'il va aller à Jérusalem avec Barnabas, mais il dit ici, 14 ans après, je vais monter de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Mais je vais skipper ça, là, mais, au verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Alors, Tite, c'est un païen qui vient probablement d'Antioche, qui est grec. Puis, quelque part, il était convaincu par l'Évangile, et là, il va accompagner Paul. Ça va? Fait que, est-ce que c'est sur le retour de... Enfin, on va regarder la carte, là, vous allez voir. Mais juste sachez que Tite se joint à l'équipe de Paul à partir de ce moment-là. En tout cas, c'est le seul lien qu'on a avec Tite. Ça va, tout le monde? OK. Alors, on sait qu'il est compagnon d'œuvre avec Paul puis les autres couvriers. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens, il va en parler beaucoup. Paul va à Troas et il cherche Tite. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle Tite mon frère. C'est pas une recrue. C'est pas un junior. C'est pas un protégé en apprentissage. C'est un frère. Ça va? Dans 2 Corinthiens, je ne vais pas aller les lire dans le texte, là, mais dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, il va dire... Paul, il s'en va en Macédoine et Tite les rejoint. Mais il le rejoint, il arrive d'où? Il arrive de Corinthe. Fait que il était en train de faire quelque chose à Corinthe. Il n'était pas à Troas quand Paul voulait l'avoir là. Il était à Corinthe, il était occupé. Ils se rejoignent en Macédoine. Et là, ils vont se parler mutuellement de Corinthe. C'est ce qui se passe là-bas. Et là, ce qu'on voit, c'est un encouragement. Si vous lisez le texte dans 2 Corinthiens 7, ils s'encouragent mutuellement. Tite, il ramène des bonnes nouvelles de Corinthe, ça encourage Paul, dans. Et dans la deuxième lettre ici, c'est là qu'il apprend que la personne qui avait commis un péché dans la première lettre, je ne sais pas si vous vous rappelez, 1 Corinthiens 5, il y a un frère qui couchait avec sa belle-mère, puis personne ne disait rien. Et là, Paul est insulté de ça. Il les reprend parce qu'ils ne sont pas assez zélés pour reprendre quelqu'un qui est dans le péché. Là, ici, il apprend la bonne nouvelle que le frère... s'est repenti, a changé de trac. Et dans cette lettre-ci, Paul va dire, ben maintenant, recevez-le, puis prenez soin de lui, vu que maintenant, il s'est repenti et qu'il marche droit. OK? Fait que, donc, ils ont fait du chemin ensemble. 2 Corinthiens 8, là, Paul va dire qu'il a engagé Tite à continuer le travail qu'il fait à Corinthe. OK? Mais il dit plus loin que... Tite le fait avec empressement. Empressement, là, c'est du zèle. Ça va? C'est le caractère de Tite qui m'intéresse ici. Tite, dès qu'il est converti ou dès qu'il connaît Paul, il commence à travailler avec lui. Il l'accompagne. Ici, dans le verset 4, on voit que quand Paul lui parle à Tite, il dit « Mon enfant légitime en notre commune foi ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Mon enfant légitime »? C'est moi qui t'a amené au Seigneur. C'est moi qui t'ai enseigné la parole. C'est moi qui te nourrit. C'est moi qui prends soin de toi. Je peux t'appeler mon enfant légitime dans le Seigneur. OK? Et en notre commune foi. Est-ce qu'ici, la foi, on parle de « Ah, je crois que Dieu peut faire telle affaire » ou on parle du l'ensemble des doctrines de la foi chrétienne? Je pense qu'on est plus dans l'ensemble des doctrines. Et c'est important que ça soit ça parce que là, il laisse Tite, on vient de le voir, à Crète. Il est parti faire d'autres choses. Et c'est Tite qui a le mandat là, de finaliser le travail que Paul n'a pas eu le temps de finir. Okay? Fait que on est en même place. Et c'est important que ça soit écrit dans la lettre parce que la lettre va servir pour les Crétois, là, que quand il va se présenter, Paul, pas Paul, mais Tite, quand il se présente, il y a une lettre de Paul, là, ça lui donne l'autorité. Et on sait qu'après ça, dans la deuxième lettre de Timothée, donc plus tard, quand Paul va écrire à Timothée, la deuxième lettre, dit « Démas m'a abandonné, Crescent est allé en Galatie, puis Tite en Dalmatie. » OK? Fait que, donc, il n'est plus à Crète, il est parti à un autre endroit. Fait qu'ils travaillent ensemble, ils persévèrent. Donc, on peut supposer que Tite a fini son travail en Crète, sur l'île de Crète, et qu'il est parti ailleurs faire autre chose. Ça va tout le monde? Fait que ça, c'est le contexte dans lequel on se retrouve par rapport à Tite. Je ne sais pas si vous voyez la carte, là, mais l'île de Crète est ici. Est-ce que vous voyez ça? Puis juste ici, là, ça c'est Corinthe, Athènes est là, c'est sur la Crète. L'Achaïe est ici, la Macédoine est ici. Illyrie, là, ça c'est la Dalmatie. OK? Je vais revenir, je vais vous montrer une autre carte. Puis, voyons, Antioche est ici quelque part, là, sur le bord là, de l'eau, ici quelque part. OK? Carte moderne. Est-ce que vous voyez ma carte moderne? L'île de Crète est ici. Bouge pas. Je pense que je peux mettre un petit peu de lumière. Est-ce que ça éclaire un peu? L'île de Crète est juste ici. OK, on va zoomer. La voyez-vous, là? Oui? OK. OK, fait que l'île de Crète est ici. Fait que là, ça, c'est la Grèce. Aujourd'hui, ça, c'est une carte récente. OK, ça, c'est la Grèce. En fait, l'île de Crète appartient aux Grecs. Puis Chypre est un petit peu par là. Puis les Turcs et les Grecs se chicanent pour Chypre. OK. Ici, là, tout ce territoire-là qui s'appelle la Croatie, la Serbie, Kosovo, Macédoine, ça vous dit comment ça s'appelait ça avant, après vous? La Yougoslavie. Territoire partagé. La Dalmatie, là, c'est la Croatie moderne. La Croatie aujourd'hui, c'est l'ancienne Dalmatie. Fait que ça, là, c'est juste pour vous dire, c'est le territoire que Tite a fait avec Paul. À pied, en passant. Même pas en dos de chameau, là, ça c'est à pied. Là. En dos d'âne peut-être, mais un âne, ça va pas très vite. Ben, ça, c'est pas vrai. Un âne, ça peut courir assez vite. Bon, quand même, ça vous donne une idée. Donc, pourquoi Paul a écrit la lettre? Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. OK? Il écrit à Timothée, parce que ça, il veut lui rappeler le fondement. OK? Fait que moi, j'ai fait un petit triangle avec. La foi des élus de Dieu, la connaissance de la vérité, selon la piété, et on va revenir à piété parce qu'on en a parlé. C'est un mot que moi, j'ai découvert quand on a fait 1 Timothée, que je le connaissais, le mot, là, mais je ne le connaissais pas. Puis je ne donnais pas vraiment de valeur dans ma compréhension de l'Église, mais je peux vous dire que ça l'a changé. C'est parce que c'est le cœur. La foi des élus de Dieu, la connaissance de la vérité, c'est rien sans l'amour des saints. C'est rien sans le véritable amour qu'on parlait ce matin, c'est-à-dire d'être au service de l'autre, pas à mon service puis pour ma joie personnelle, être au service de l'autre. Et tout ça, là, c'est basé sur notre espérance de la vie éternelle, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, on est les plus malheureux des hommes. Mais il est ressuscité des morts. OK. Amen pour ceux qui ont dit Amen. Alors, l'objectif, ben juste avant, juste pour dire, Pierre va dire quelque chose de semblant, puis je veux le lire, 1 Pierre. Il a juste écrit 2 lettres, Pierre. Si c'est lui qui les a écrites de sa main, ça c'est un autre sujet, mais c'est lui l'auteur derrière. Voici comment il se présente. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Quelqu'un a payé le prix pour qu'on ait la foi. Par la, je vais juste lire ce qui est souligné en gros. Là. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Tu ne peux pas avancer si tu ne connais pas ton Seigneur. Et tu ne connaîtras pas ton Seigneur si tu ne t'approches pas de lui. Et puis pour t'approcher de lui, tu dois lire les instructions, puis lui parler personnellement, puis être à l'écoute des réponses qu'il va te donner, peu importe le chemin qu'il va prendre pour te donner la réponse. Est-ce que ça va? Fait que, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, donc on l'a reçu, hein? Si je reviens à ma slide d'avant, là, selon la piété, là, on l'a reçu, si on est enfant de Dieu, au moyen de quoi, Gilles? Ah, 2 Pierre, oh, excusez-moi. Je ne corrigerai pas tout de suite, là, mais 2 Pierre. Ça se peut que je vais en trouver une couple d'autres, parce qu'entre 10 h le soir et 7 h le matin, il peut se passer des choses. OK, donc, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, un autre mot, vertu, qui vaut la peine d'être regardé, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses. Nous assurent. Est-ce que vous en avez l'assurance de la paix que Dieu donne? Est-ce que vous avez l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous en... Est-ce que vous y pensez des fois? Est-ce que vous considérez la finalité versus ce que vous avez à faire maintenant, puisque vous devez vivre maintenant? Et là, je saute une couple de paragraphes, mais il dit, verset 5, « À cause de ça, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » La vertu, là, c'est le zèle. Le zèle pour faire ce que Dieu demande selon les règles que Dieu donne. Ça, c'est la vertu. OK? À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Parce que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu te rends compte que tu es dans le champ personnellement et que là, tu dois travailler sur plein de choses puis que tu vas être confronté. Maintenant, la maîtrise de soi. OK? À la maîtrise de soi, la patience. Parce que me maîtriser, ça me demande. On pourrait demander aux enfants, là. Il y en a qui sont honnêtes parmi les enfants. Philippe, là, je sais pas, parce que les autres, je les connais pas vraiment, là. Mais ça, Philippe, qui vont te dire, hey, moi, je suis pas capable, là. J'essaye, mais ça marche pas. OK, mais ça, c'est la patience qui découle de la maîtrise de soi. OK? À la patience, la piété. Et je vais revenir sur le mot piété. Et à la piété, parce que la piété, c'est être. Répondre aux besoins des autres dans le corps de Christ, premièrement, OK? À la piété, l'amour fraternel. Si je n'ai pas le désir de servir, je n'en arriverai pas au véritable amour fraternel. Puis de l'amour fraternel à la charité. Puis la charité, là, c'est l'amour inconditionnel. Là, maintenant, là, je vais le faire, même si ça me coûte quelque chose. En fait, je ne le fais pas pour avoir quelque chose en retour, je le fais parce que j'ai déjà reçu de Dieu. Ça va? Alors, quand on dit que Paul écrit à titre, là, c'est central, la piété. Okay? C'est central. C'est entouré de la foi. L'objectif, c'est la foi des élus de Dieu. Donc, titre, tu es à Crète, sur l'île de Crète. Ta job, c'est d'emmener les élus là, à vraiment progresser dans la foi. Et la foi ici, là, c'est la connaissance des doctrines. Et la connaissance de la vérité, les doctrines et Christ, et la vérité par rapport au péché, par rapport à la vie. Et donc, on lit plus bas, là, « Je t'ai laissé en Crète pour deux raisons. Que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Puis selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. » Fait que c'est pas fait. Paul, il va à Crète, travaille avec Tite, mais d'habitude, avant de partir, il laisse l'Église dans un certain état. Mais là, il va laisser Tite à Crète parce qu'il y a l'ouvrage à faire. C'est pas fini. Mais Paul, il part. Et on ne sait pas pourquoi. Ils sont allés là ensemble. Ils ont commencé un travail ensemble. Mais Paul, il part. On ne sait pas pourquoi. Tite, il reste. Il est encore là parce qu'il reçoit la lettre pendant qu'il est sur l'île de Crète. Puis Paul lui a laissé des instructions. Quelles instructions? Il lui a laissé des instructions, quelque chose à faire, là, la procédure, la démarche, je ne sais pas comment. Là, t'sais. Et que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville. Fait que pas des anciens sur l'île de Crète, c'est pas gros l'île de Crète quand vous la regardez, là. Mais il veut des anciens dans chacune des villes où l'Évangile va t'annoncer. Que ces hommes-là soient irréprochables. Je ne vais pas étirer trop là, sur le détail, on l'a déjà fait dans 1 Timothée et 2 Timothée. Qu'ils soient irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. OK? Il faut que tu me trouves des anciens dans les villes. Pourquoi? Parce que, tu sais, je vais avoir besoin de toi ailleurs. La preuve, c'est qu'il est parti en Dalmatie après. OK? Alors, il faut que tu me trouves du monde. Mais quelle sorte de personnes? Des personnes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne sont pas accusés. Moi, là, je vous mets au défi de me trouver une maison où les enfants sont parfaits. Il y en avait juste une maison, il y avait un enfant parfait. Puis ils l'ont crucifié. Mais les autres? Mais la question, c'est est-ce que le chef de famille garde ses enfants sous contrôle? OK? Donc, c'est ça que je veux que tu fasses. Pourquoi? au verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Et là, je vais sauter par-dessus tous les petits détails de économe, Tout ça, là, c'est qu'il faut qu'il soit irréprochable. Pourquoi? Parce que particulièrement sur l'île de Crète, et on va voir pourquoi, ils ont besoin de modèles. Et la fin du verset dit, « Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Quand j'ai dit « faut-tu mettre de l'ordre, là? » Parce que c'est le désordre. Ça, écoute, mettre une église en ordre, là, ou implanter une église, puis en arriver à vraiment la communion fraternelle, là, et ça prend du temps, là. Ça prend des années. Ça va? Donc, je t'ai laissé là-bas, je t'ai laissé des instructions. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir des gens capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Pourquoi qu'il faut faire ça? Parce qu'ils doivent être un modèle irréprochable s'ils veulent tenir tête aux rebelles. Nommez pas juste n'importe qui parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est influent, parce qu'il parle bien. Non, non, il va se faire rentrer dedans. Il va être contesté. S'il n'est pas solide, là, s'il n'est pas ferré dans la parole de Dieu, il va se faire avoir par les beaux parleurs. Une des règles, là, c'est de ne pas discuter avec un insensé. Parce que tu es perdant avant de commencer. Les insensés là, sont maîtres dans l'art de dire des niaiseries. OK? Et on se perd. Donc, tu reviens à la doctrine. Excuse-moi, là, je ne sais pas ce que tu viens de dire, là, mais voici ce que Dieu dit. C'est ça. Faut être capable de revenir là. Ouais, mais toi, regarde-toi dans telle affaire. Non, il faut qu'il soit irréprochable. Pas parfait, là, mais irréprochable selon la sainte doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tenir tête aux rebelles. Bon, c'est pas différent aujourd'hui dans les assemblées à gauche et à droite, mais c'était particulièrement critique sur l'île de Crète. Il dit au verset 10, « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, pas juste les circoncis, mais surtout parmi les circoncis, donc les Juifs, qui sont opposés à l'Évangile, il y a beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, je l'ai mis en gros là, auxquels il faut fermer la bouche. » Bon, ça, c'est difficile pour les gens qui sont relationnels. D'entendre quelqu'un de tranchant, là, qui n'a pas de noir et blanc, puis qui dit carrément la vérité telle qu'elle est, aussi brutale que ça peut sonner. OK? Paul, dans 2 Corinthiens 12, 15, il dit, « Hey, gars, moi, je vais me dépenser pour vous, là. Dussé-je, en me dépensant davantage, être moins aimé de vous? Je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire tout ce que j'ai à faire, et même plus, sachant que c'est très possible qu'après, là, vous n'allez pas m'aimer. Mais je vais le faire pareil, parce que ça, c'est l'amour inconditionnel. Ça, là, je cherche à convaincre les élus de la saine doctrine, puis de s'y conformer. OK? Fait que ici, il y a beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Et là, il va citer quelque chose qu'on ne voit pas dans les Écritures généralement. Il bouleverse des familles entières, verset 10, je pense qu'on reste dans le 10 encore, non c'est 11. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, OK, le mot prophète ici, là, si j'ai compris mes recherches, c'est que dans une autre époque, une longue époque qui nous précède, quand quelqu'un était poète ou philosophe, on les voyait comme des gens inspirés de Dieu. Là, je ne parle pas dans l'Église, je parle en dehors. On les voyait comme des gens inspirés des dieux, et donc on les traitait de prophètes. Ils disaient des grandes vérités, proclamateurs de fausses vérités, mais quand même. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. » C'est comme ça que... Et le gars qui dit ça, il s'appelle Épiménide. Lui, il est quelque chose comme 600-700 ans avant Jésus-Christ. C'est un prophète, un poète qui écrivait toutes sortes d'affaires. Puis il était crétois d'origine et il parle de son propre peuple en les décrivant comme étant menteur, brutal, paresseux. Alors ça, Paul est dit au verset 13, ce témoignage est vrai. Ce que ce poète-là a dit de eux, là, Paul, il peut le dire. Moi, j'arrive de là. J'étais là avec toi, tu sais, là. Hey, ça, là, ça, c'est vrai. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement, ferme-leur la bouche, afin qu'ils aient une foi saine. Fait que des fois, là, il faut reprendre les gens. Quand je dis des fois, là, on peut le faire de bien des façons. Tu sais, je sais que je suis fatiguant, là. Moi, les mots sont très importants. Moi, si moi, je vous trouvez fatiguant avec les mots, là, je vais vous inviter à avoir une conversation avec Christian, là. Fait que ça déteint sur moi. Les mots sont importants parce que des fois, il y a des nuances qui t'envoient dans la mauvaise direction. Il y a des nuances qui amènent des sous-entendus fallacieux puis que les gens concluent des affaires. Tu sais, comme ce matin, on parlait de la soumission. La soumission, il faut rester avec le sens biblique du mot soumission. Le mot amour, il faut rester avec le sens biblique du mot amour. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Alors, mais ici, eux, là, ils sont paresseux, ils sont menteurs, puis ils sont brutaux. Fait que là, il faut que tu les adresses dans leur conduite, parce que c'est une saine conduite selon la piété. Fait que mensonge, paresse, puis brutalité, là, ça ne va pas avec piété. Fait que si on veut les amener, les convaincre, ça va prendre des gens convaincus. Ça va? Alors, c'est important le modèle? Pourquoi est-ce que Paul a laissé un travail non terminé dans les mains de Tite? Hey, c'est Paul qui a la mission d'implanter les églises, de répandre la nouvelle chez les païens. C'est pas Tite. Ou peut-être que c'est Tite aussi. Pourquoi c'est important? On ne sait pas quand exactement Paul est allé là-bas, ni quand il est parti. On ne sait pas pourquoi il a quitté. On sait pas qu'il a, on sait qu'il y avait encore de l'affermissement à faire. Puis on sait qu'il y avait beaucoup d'opposition, surtout des Juifs, mais pas juste des Juifs. Tous les beaux parleurs qui ont des histoires à raconter depuis longtemps, parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas beaucoup de livres, donc c'était du bouche-à-oreille, et on se raconte des fables du passé, toutes sortes d'affaires, puis on y croit, puis ils ont toutes sortes de dieux, puis ils ont toutes sortes de croyances, toutes sortes d'affaires. En fait, ils pensaient que Épiménide, en tout cas lui, là, qu'il est mort dans les 150 quelques années, qu'il avait rencontré le dieu tonnerre, des affaires de même, OK? Fait que eux autres, là, c'est des légendes. Maintenant, il faut que tu prennes toutes ces légendes-là, tu tasses ça pour amener la vérité. Ça, c'est à quoi ils étaient opposés. Ça prend beaucoup de temps, puis eux autres, ils avaient une solide réputation. Autant que les Corinthiens pouvaient avoir la réputation là, d'être tournés vers la débauche. C'était clair. Si tu vas à Corinthe, là, tu es confronté à la débauche. Il va falloir que tu adresses la débauche. Mais si tu vas sur l'île de Crète, tu es confronté à des gens menteurs, paresseux, puis brutales. C'est ça que tu vas faire à mon titre. Donc, sois averti. Donc, il faut que tu me trouves des hommes irréprochables. Ben là, il dit ça à Tite. Ben, Tite, d'après vous, ben, s'il n'est pas irréprochable lui-même, ça va pas bien, là. Hein? Il va dire dans Tite au chapitre 2, verset 7, « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. » C'est parce que les autres, ils ne peuvent pas imaginer qu'est-ce que c'est la saine doctrine puis une vie de piété. Piété ici, là, c'est pas à genoux dans un coin en train de prier, là. Piété, là, c'est être au service des besoins des autres pour y répondre dans la vérité, OK? Avec un amour inconditionnel. Je vais le faire même si vous ne m'aimez pas, là, OK? Afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Tite représente Paul. Paul annonce la parole du Seigneur. Soyez mes imitateurs, c'est ça que Paul dit, hein? Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Tite, sois mon imitateur comme je suis moi-même de Christ. Alors, te montrant toi-même à tous égards un modèle, de sorte qu'ils n'ont rien à dire de mal de nous. Moi, Paul, là, je suis allé avec toi, hein? C'est moi là, qui avais le mandat, tu m'accompagnais, là, maintenant tu restes en arrière, fais-moi pas honte. Mais il n'y a pas peur. Pourquoi il n'y a pas peur? Parce que Tite est son fidèle serviteur depuis Antioche. Il a fait le travail avec Paul. Il a tout vu, il a tout entendu, il a subi les mêmes misères que Paul. Il comprend là, ce qui lui est écrit. Mais t'imagines si Tite montre la lettre aux Crétois. Vous êtes une gang de menteurs paresseux, brutales. Et je cherche parmi vous des hommes qui ont envie de changer de direction, qui peuvent être le modèle sur l'île de Crète, là, pour tous les saints qui sont là. C'est ça que je cherche. Parce que les Crétois qui ont marché avec Paul, les vrais croyants, reconnaissent dans Tite l'autorité de Paul. Parce que Tite est un modèle irréprochable, capable de tenir tête aux rebelles. S'il n'était pas capable de faire ça, Paul il serait suicidaire de l'avoir laissé là. Fait que Tite est éprouvé. Mais il est devenu comment éprouvé, Tite? Comment il est arrivé là, Tite? Il a fait un choix de vie, puis il a été conséquent avec son choix de vie, et il est encore conséquent avec son choix de vie. Il a marché à côté de Paul. Il n'a pas dit à Paul quoi faire. Paul, il dit, selon mes instructions. Hein, qu'est-ce que tu fais avec ton orgueil? Il a quel âge, Tite, là, pour être abandonné là sur l'île de Crète? Ça fait des années qu'il marche avec Paul. Et où son orgueil? Il va faire exactement ce que Paul lui dit. Pourquoi? Parce qu'il a vu Paul à l'œuvre. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est fondamental, là. Il a vu Paul à l'œuvre. Il a marché avec lui. Il en a vu les conséquences. Il en a aussi vu les bienfaits, les bénédictions. Et il comprend à quoi ça va servir. Il arrive de Corinthe. Avant d'aller là, là il était à Corinthe. Okay? Puis après, il va aller en Dalmatie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a à faire. En passant à la recette, là, il n'y en a pas. Tu connais les Écritures, tu sais c'est quoi l'engagement. Tu y vas avec la foi que Dieu te donne, puis il va te bénir. Mais ça, c'est pas acquéri comme ça, là. Paul, quelqu'un va dire, Paul, là, il était déjà zélé pour Dieu. Il pensait servir Dieu. Dieu a juste corrigé son tir. Il a enlevé ses lunettes de soleil, là. Il a dit, regarde la vraie vie, là, c'est moi, la vraie vie. Fait que le zèle que tu avais, là, on va le changer, on va le mettre dans la bonne direction. OK? Il connaît les Écritures, Paul. Il les a étudiés au pied de qui? Gamaliel, le docteur en Israël, il a passé sa jeunesse avec Gamaliel à étudier les Écritures. Il les connaît, il est zélé pour Dieu, il a juste une mauvaise compréhension. Dieu corrige le tir, paf, il est parti dans la bonne direction. Tite, là, je ne sais pas ce qu'il faisait avant, on n'a aucune idée, mais quand il entend la bonne nouvelle, là, il part avec Paul. Il va l'accompagner, il va être fidèle. Fait que j'ai une couple de questions pour vous bientôt, là. Application pour le croyant. Le mot-clé, là, central, c'est la piété, c'est être au service des autres dans le corps de Christ, premièrement. On avait vu ça dans 1 Timothée 3, OK? Et Christ est le modèle de la piété. Il a abandonné sa déité, si on peut dire ça de même, là, d'être bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bien ensemble, en parfaite harmonie. Il va abandonner ça, temporairement, pour venir vivre parmi nous, entièrement dévoué à quoi? Au salut des élus. Entièrement dévoué à quoi? Enseigner la vérité. Comment qu'il l'enseigne? Par sa vie. Qu'est-ce que Paul fait? Par sa vie. Qu'est-ce que Tite va faire? Par sa vie. OK? Alors nous, on fait quoi? 1 Jean 2, 6 dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, que Christ demeure en lui, doit marcher aussi comme Christ a marché lui-même, comme Paul a marché, comme Tite a marché. Ça veut-tu dire qu'il faut que tous qu'on devienne des missionnaires? Non. Oui. Là où Dieu nous a placés, chacun à sa place, là où Dieu nous a placés, avec ce qu'il nous a donné. Piété, je l'avais déjà dit, je le répète, attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Vertu, c'est zélé pour la même chose. Dévoué, fervent, attaché, avec tendresse et respect pour l'épouse de Christ. C'est ça la piété. Alors, moi, j'ai des choix à faire. Fait que c'est intéressant parce que ce matin, ça fait deux dimanches qu'on parle du mariage. Puis le mariage, c'est quoi? Mais le mariage, c'est un des affaires là, qu'on a à choisir dans la vie, mais il y a plein d'autres affaires. Fait que moi, je peux dire, je les écris, waouh, Dieu est bon, il prend soin de moi. Puis je peux mener une vie totalement égoïste. J'ai-tu manqué quelque chose? Le mot piété, là, il est pas là dans une vie égoïste. Hein? Piété, là, c'est altruisme. pas égoïsme. Fait que j'ai des choix à faire. Ma famille, le monde, l'Église. Lequel qui passe en premier? Tite, lequel a passé en premier? Réfléchissons. Dans le monde, là, pour les jeunes, c'est l'école. Pour les jeunes enfants, c'est les parents. Après ça, c'est l'école. Après ça, c'est le travail. Après ça, c'est la retraite. C'est quoi, là? Comment je fais des choix? Puis l'Église, là, c'est quoi ma place dans l'Église? C'est quoi mes responsabilités? À quoi je dois m'embarquer? Qu'est-ce qui passe en premier? Qu'est-ce qui va passer en premier? Est-ce que je suis capable de dissocier ça? Bien, si je veux marcher comme Christ, là, je peux pas les dissocier. L'être humain, là, il est séparé de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la slide. Là. Avant de connaître Jésus, je suis séparé de Dieu. Je suis rebelle, puis j'ai une vie dénuée. L'écritoire, là, c'est ça qu'ils ont. Mais si je me tourne vers Dieu, j'ai le pardon, la paix, puis le service, la piété. Piété, service, ministère. OK, ça va? Et si je suis du côté de Dieu, ben il faut que je trouve une façon de mettre de l'ordre là-dedans. Fait que comment je vais le faire? Ma vie personnelle, la famille, l'Église, le monde, qu'est-ce que je priorise? Le défi, là, c'est d'apprendre à marcher pour en arriver à ce que ma vie personnelle a un impact dans ma famille. Ma famille a un impact dans l'Église. Et moi et ma famille, dans l'Église, on a un impact dans le monde qui nous entoure. Est-ce que ta façon de vivre au travail attire les gens à te poser des questions? Est-ce que quand tu traites les gens de ta famille, ton frère, ta soeur, tes oncles, tes tantes, tes petits-enfants, tes neveux, tes nièces, est-ce que quand tu leur parles, est-ce que la notion de Dieu est impliquée dans ce que tu vas leur dire? Quand tu leur parles, tu racontes des affaires, est-ce que tes choix de chant, de musique, d'activité, est-ce que ça reflète là? Christ à quelque part, ou c'est complètement mondain? Ma famille, on s'occupe à quoi? C'est quoi nos choix de vie de famille? On s'implique dans toutes sortes d'affaires dans la société tellement qu'on n'a pas le temps de s'impliquer dans l'Église? L'Église, elle sert à quoi? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est une bâtisse avec plein de travaux à faire? Ou l'Église, c'est nous? Puis le bâtiment, c'est une opportunité de travailler ensemble pour apprendre à se connaître. Les ministères qu'on fait, que ce soit la louange, l'enseignement, peu importe c'est quoi qu'on fait, des œuvres sociales dans la communauté, est-ce que c'est quelque chose que je fais tout seul ou c'est quelque chose qu'on fait ensemble? Puis même si je le fais tout seul, si toi tu le fais dans ton coin, puis l'autre le fait dans son coin, mais on a toutes la même pensée. Est-ce que vous voyez, il est où mon focus? Est-ce que Christ est au centre de ce que je fais? Est-ce que je le traduis dans ma famille? Ça ne veut pas dire que mes enfants sont contents. Là. Moi, je demande à Nathalie et Geneviève, quand elles étaient petites, là, s'ils étaient contentes de mon implication dans l'Église. Non, pas vraiment. Mais ils n'ont pas vraiment eu le choix. Ils ont suivi, là. Puis bon, ils ont chiolé. Puis à un moment donné, ils ont mis les lumières, ils sont mis à allumer. Je pense que je comprends pourquoi. T'as l'affaire. Bon. Maintenant, la prochaine question, c'est Tite, lui, il y avait un modèle qu'il suivait littéralement partout. Tite avait un modèle avec qui il apprenait en travaillant avec. Tite pratiquait au jour le jour ce qu'il apprenait. Tite ne se laissait pas décourager par l'adversité. Il était avec Paul. Bien, c'est encourageant quand on est deux, hein? On est plus solide que quand on est tout seul. Tite persévérait même quand il était laissé tout seul avec le fardeau à Corinthe, à Crète, sur l'île de Crète, en Dalmatie. Il est tout seul. Mais il est capable d'avancer. Parce que dans le fond, il n'est pas tout seul. Il y a l'Esprit de Dieu qui est avec lui et il sait que Paul est là-bas, Timothée est là-bas, Tichic est là-bas, l'autre il fait ça, il y a du monde qui... Tu sais, on travaille ensemble, on collabore. Même si je ne te vois pas, je sais ce que tu fais, on a la même pensée. Si vous relisez, je crois que c'est Éphésiens, non, Philippiens. Philippiens, quand Paul écrit, là, il leur parle de tout le monde. Juste pour dire, vous n'êtes pas tout seul. Moi, je vis ça, vous autres, vous vivez ça, eux autres, ils vivent ça, Christ a vécu ça, nous, on est ensemble, Christ avec nous, Christ avec vous, donc on est tous ensemble. OK? Tite était engagé pour Christ, puis il s'est trouvé un modèle avec qui il marchait. Ses choix de vie, il les discutait tous avec Paul ou d'autres croyants. Pour nous, c'est quoi? C'est qui tes modèles dans le Seigneur? Ça, là, vous ne répondez pas à ma question, mais pensez-y. C'est qui tes modèles dans le Seigneur? Est-ce que tu les consultes régulièrement pour les choix importants dans ta vie? Tu sais, les jeunes, 2 Timothée 2, 22, là, fuyez les passions de la jeunesse, cherchez le fruit de l'esprit. Où ça? en compagnie de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel avec un cœur pur. OK? Fait que, tu passes-tu du temps avec eux autres pour apprendre de l'expérience ou tu te morfonds avec eux autres parce que, misère, que c'est long, c'est plate. Hey, je l'ai entendu 250 fois, cette affaire-là. Tu sais, ce matin, il y a un petit peu de nasser sur mes genoux qui dit, ça fait un million de fois qu'il dit ça. Ouais, c'est quoi? Il va leur dire encore. Paul, il va dire dans sa deuxième lettre, je vous écris là, ce que je vous ai déjà dit, mais je vous l'écris. Je sais que je répète tout le temps, là. Ça c'est Pierre qui dit ça. Je sais que je répète tout le temps, mais je vous l'écris parce que je ne veux pas que vous l'oubliez après que je vais être mort. Après je vais être parti. Il n'a pas dit mort, il a dit parti. OK? C'est quoi ta place dans le corps de Christ? Le sais-tu? Comment tu vas le trouver? En restant chez vous ou en venant t'impliquer puis en essayant toutes sortes d'affaires puis en posant des questions? Est-ce que tu es investi dans le corps? Es-tu capable de résister aux mauvaises influences autour de toi? Comment tu fais pour résister tout seul? Est-ce que tu poses des questions pour comprendre, pour marcher avec une foi saine? T'es-tu engagé pour Christ dans son Église? Oui. Je t'entends mal. Est-ce qu'il y a un verset que... Il faut qu'on fasse de quoi? C'est ça que tu dis? C'est pas en restant chez soi. Ah! Merci. T'as raison. C'est pas en restant chez soi qu'on va grandir, qu'on va servir. T'as absolument raison. Donc, là, moi, je ne sais pas quoi faire. Moi, ben, hey, Philippe, avant de faire des affaires avec un marteau et des tournevis, toi, là, t'as fait quoi? Comment t'as appris ça? Hein? T'as commencé quand à faire ça? Ah, mon père. Non, mais dans la jeunesse, on a un problème dans la jeunesse. Il nous manque les 16, 17, 18, 19 qui ont vécu la jeunesse pour pouvoir aider les plus jeunes à passer au travers de 12, 13, 14 puis de comprendre pourquoi ils sont là. Mais Dieu voulant, dans 3, 4 ans, on va en avoir, qui l'ont survécu. Et puis là, ils vont être capables d'expliquer à l'autre génération qui va arriver. Mais c'est comment on apprend? C'est en s'impliquant. Alors, c'est ça la solution. C'est que Jésus-Christ, si je vis, Galates 2, 20, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ben, si c'est vrai... Lui, ce qu'il veut, c'est que toute ma vie soit alignée. La priorité, c'est quoi? Lui. Lui où? Dans ma famille. Ma famille où? Dans l'Église. L'Église où? Dans le monde dans lequel il nous a placés. Pas l'inverse. Pas le monde qui vient influencer ma vie, mais Christ qui influence ma vie, dans ma famille, dans l'Église. Et là, on peut influencer le monde autour de nous. Ah, on ne va pas changer le monde, croyez-moi, mais on peut changer la saveur du monde qui nous entoure. Et c'est ça le mandat que Tite a. Donc, 2 Timothée 2, 4, donc on l'a vu, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. OK? S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. De quoi on parle ici? Les doctrines, la vertu, la piété. On apprend ça où? L'athlète, faut qu'il s'entraîne. Le soldat, là, il peut pas traîner avec lui. Ah, oh, je peux pas, j'ai ci, j'ai ça, misère, comment je vais faire mon travail? Non, non. Tu es 100% là, sur la ligne de front, là. Mais en même temps, tu prends soin de ceux qui n'en ont rien. Puis, si tu veux en voir des fruits dans ta vie, ben tu dois travailler, tu dois t'investir. C'est ça, là, la lettre à Tite. C'est ça, les lettres à Timothée. C'est ça, tous les encouragements qu'on a dans les Écritures. Puis, il faut être capable de dire les choses clairement. Quand quelqu'un se fait reprendre, on a tendance à envelopper l'affaire. Non, puis tu allais direct au but, dire à la personne, « Voici ce sur quoi tu dois travailler. » Je te le dis pas pour t'écraser, je te le dis pour t'aider à te relever puis foncer. Alors, si je reviens au psaume, « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Est-ce que c'est vrai, ça, pour vous? Est-ce que si c'est pas vrai, là, tout ce que j'ai dit avant, si c'est pas vrai, ben c'est quoi votre prière? Demandez à Dieu que ça devienne vrai dans vos vies, là. « Mon zèle me consume. » Parce que mes adversaires oublient tes paroles. Pas parce qu'ils me font du mal, pas parce que c'est tout croche, non. Ils oublient tes paroles. Je suis zélé pour les élus, pour la vérité. Et mon zèle se traduit par mon implication. peu importe la place. Il n'y a pas de petits travaux. Il n'y a pas de petites responsabilités. Puis le seul juge, là, c'est Dieu. Mais vous êtes capable par vous-même de voir, là, si ça va ou si ça ne va pas, là. T'sais, progresser, le fruit de l'esprit dans la vie de quelqu'un, là, c'est pas que tu es parvenu, c'est que tu progresses dans le fruit de l'esprit. Et tu ne vas pas progresser si tu restes tout seul chez vous. Alors, je conclue. Mon exhortation, c'est que vous soyez zélés pour Christ et sa maison. Rappelez-vous, on est sa maison. C'est nous, sa maison. Que Dieu vous bénisse.